Moi, j'aime pas les étrangers. Non, parce qu'ils viennent manger le pain des Français. Hein? J'aime pas les étrangers, c'est vrai, c'est comme ça, c'est physique. Et c'est curieux, parce que comme profession, je suis douanier. On devrait être aimable et gentil avec les étrangers qui arrivent, mais moi, j'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. Et je suis pas un imbécile, puisque je suis douanier. Je peux porter, je peux écrire ce que je veux sur des papiers, j'aurai jamais tort. J'ai le bouclier de la loi, puisque je suis douanier. Je peux porter plainte contre n'importe qui, je suis sûr de gagner en justice. Je suis pas un imbécile. Vous voyez, je suis français, moi, ouais, et je suis fier d'être français. Mon nom, moi, je m'appelle Kulakiarstensky. Du côté de ma mère. Et Piazzano Venditti. Du côté d'un copain à mon père. Dans le village où j'habite, on a un étranger. On l'appelle pas par son nom, on dit, tiens, v'là l'étranger qui arrive. Sa femme Marie, on dit, v'là l'étrangère. Souvent, je lui dis, fous le camp, pourquoi que tu viens manger le pain des Français? Alors, une fois, au café, il m'a pris à part. J'ai pas voulu trinquer avec lui, un étranger. Non. Je veux pas me mélanger avec n'importe qui, parce que moi, je suis pas un imbécile, puisque je suis douanier. Il m'a dit, pourtant, je suis un être humain, comme tous les autres êtres humains. Évidemment, il est bête alors, celui-ci. J'ai un cœur, une âme, comme tout le monde. Évidemment. Comment se fait-il qu'il puisse dire des bêtises pareilles? Enfin, du haut de ma grandeur, je l'ai quand même écouté, c'est idiot. Il me dit, j'ai un cœur, une âme, est-ce que vous connaissez une race, vous, où une mère aime davantage ou moins bien son enfant qu'une autre race? Nous sommes tous égaux. Là, j'ai rien compris à ce qu'il a voulu dire. Et pourtant, je suis pas un imbécile, puisque je suis douanier. Fous le camp, tu viens manger le pain des Français. Alors un jour, il nous a dit, j'en ai ras-le-bol, vous. De vos Français, de votre pain, et pas de votre pain, je m'en vais. 20 ans. Alors il a pris sa femme, ses enfants, il est monté sur un bateau, il a été loin, au-delà des mers. Et depuis ce jour-là, ben, on mange plus de pain. Dans les... Il était boulanger.